La politique des Américains par rapport à l'Europe, là, c'est en train de détruire tout. Les Européens, c'est fini. Je veux dire, leur pacte avec les Américains, c'est... En tout cas, moi, la façon que je vois ça, regarde juste par rapport au gaz, l'Allemagne. Sont allés eux-mêmes, je veux dire, c'est les Américains, entre autres, qui ont scrappé, qui ont piraté, qui a fait monter le prix en Allemagne. Puis c'est même pas des bons alliés, les Américains. Ils vont te poignarder dans le dos. Ils vont te mettre dans la merde pour te forcer à être leur... C'est pareil pour l'économie, les économies. Je veux dire, la France qui s'en vient, c'est l'enfer. Macron, là, il peut s'en aller, là, c'est fait, là. Ben, il a Il l'a fait, fait, la job. ce qui est drôle, c'est qu'il est arrivé en 2015, comme Justin Trudeau. Les deux ont été formés et formatés par le Forum économique mondial. Puis les deux, là, ils ont endetté comme jamais leur C'est pays. ça le but. Mais quand les soldats américains sont arrivés en France, la supposée libération, que les Allemands sont partis, les Américains sont arrivés, puis que là, dans les campagnes françaises, les Français ont vu que les Américains étaient pires que les Allemands. Pour ce qui est de violer les petites filles, puis là, ils étaient pires que les Allemands. Les Puis Russes. là, ça a commencé à sortir, puis là, les Américains, ils ont dit, ben, oh, nous autres, on est vos alliés, vos amis, on est vos libérateurs, on va leur faire des procès à ces violeurs-là. Ils ont fait des procès fantoches, puis ils ont pendu quelques soldats noirs. P. Diddy, c'est ça. Puis lui, le FBI, ils ont fini par l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il faisait des grosses orgies dégueulasses pour qu'il filmait du monde connu. C'est du monde connu là, qui était là-dedans. Là. Probablement qu'ils ont... Puis c'est drôle, les noms sortent pas, c'est un peu comme Epstein, en tout cas. Et ils vont sortir juste les noms de certains. Puis, dans le fond, c'est des opérations comme Epstein, c'est pour avoir du contrôle sur du monde, entre autres. C'est tout le temps lié aux agentures des affaires de même. Là, ça commence de plus en plus à savoir ces pratiques-là. Puis tout, puis les Américains, il y a probablement des affaires qui étaient sur le bord de... Fait qu'ils font comme ils ont fait en France. C'est-à-dire que t'as un paquet d'Américains, là, des vrais Américains, là, tu sais, blonds avec les yeux bleus puis la face rouge, là, qui ont fait des exactions. Puis les Américains, pour calmer la population, dans le temps en France, ils ont fait des procès à des soldats noirs puis ils ont pendu. C'est vrai de ça qu'ils sont en train de faire aux États-Unis avec... C'est une opération, ça, de communication. C'est pour... Pendant que tu regardes, là, ils vont, tu sais... Mais c'est un Puis c'est vrai, festival qui fait ils ont choisi diversion. lui. C'est ça qu'ils font. L'affaire, ils ont détruit, t'sais, les affaires Michael Jackson, Plaster, ça, puis les affaires qu'il y avait eu avant, je me rappelle plus de son nom, un autre rappeur, là. Puis il y en a un autre encore, pis ça arrête pas de sortir. C'est les Américains, ils pendent des soldats noirs. Ils sont en train de faire ça pour cacher le fait de tous les criminels, la gang en arrière.